Egurra deitzen bada, xuientako dena, gaitikoa zura edo zura deitzen da. Eta hitza beno etorkizun ezeragoa uken beharko luke zurak edo ekeiak. Oai arte Labuantxako eraikuntzetan bazen txustut jabilik, geu eta etxe, ospitale, zubu eta jaikuntza handitan jabilik da. Justokin ekei horrekilan lan egiten du Nikola Irigoyenek. Hunek ikerketa bulego bat sortu berri du etxe barren, egitua Concepción izenekoa. Xuxen zer egiten dien argitzen daiku. Un bureau d'études analyse structurelle des bâtiments, spécialisé actuellement dans le bois, et je fais toutes les études qui tournent autour du bois et de la charpente. Covid garaian zurren presioa bikoiztu edo doblatu bazen, geostik ara apaltu da. Le prix du bois est flambé, c'est sûr, il n'est pas revenu tout à fait au prix de base, mais il est quand même sacrément redescendu. Donc ça, certains ont gardé l'habitude de dire que le bois était cher, non, il a sacrément baissé aujourd'hui. Justoki geota habo jabilik da, bai isolatzaile huna baita, baita klimen aldeko hainbat neurri edo mezuek galtatzen baitie ahal bezain guti kosatzia, baita lurrikaen takoe hobigo baita. Le bois est quand même largement sollicité, sachant qu'une conception parasismique est quand même, à mes yeux, meilleure si elle a été analysée avec des murs ossature bois qui ont une meilleure absorption de la vibration. Hoi dela eta, simenta edo metalesko egitua geota habo, ordaitzen dutu zurrak. Hainbeste nun merkatia ehuneko hogeita marrez emendatuko dela dioie dagin urtetan. Hots, 2006an, Frantzian, hogeita mar milako bat jaikuntza zurez eginen diela dioie, sailhortakuek.